Donc, bonjour, mes chers amis. Nous allons continuer aujourd'hui l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 1, et nous allons terminer la première partie où est-ce que Paul parle des bénédictions que Dieu a voulu dans sa grâce accorder aux élus. Nous allons le terminer aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, merci. Que tu nous as vraiment fait comprendre que tout ce qui a été fait, en ce que regarde le salut dans sa totalité, a été accompli, planifié, exécuté pour célébrer ta gloire. Donne-nous jamais d'oublier cela, Seigneur. Amen. Donc, je résume cette partie-là une dernière fois avant de passer à un autre moment dans l'Épître. L'apôtre Paul a introduit les lieux célestes. C'est dans le premier verset de sa lettre, à part l'introduction où il s'est présenté lui-même. Donc, il dit, « Béni soit Dieu qui nous a bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, Dieu nous a bénis dans les lieux célestes. Donc, les bénédictions dont il parle ici viennent des lieux célestes. Ne viennent pas de ce que je fais sur la terre et là, Dieu me bénit. Non, il me bénit dans les lieux célestes et je veux faire certaines choses sur la terre. Ça va diriger ma vie chrétienne. C'est ce qu'on va parler au chapitre 4, 5 et 6. Donc, il dit, Dieu nous a bénis, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a élu à la sainteté et à d'être irréprochable. Il m'a prédestiné à être son enfant d'adoption. Donc, Dieu devient mon père. Il m'a racheté, ou on a vu la rédemption, par son sang à la croix. Christ a obtenu le pardon de Dieu pour les élus, pour ceux qui sont saints et irréprochables, c'est ceux-là qu'il obtient le pardon. Il n'obtient pas le pardon, en tout cas pas dans notre texte, il obtient le pardon de ceux qui sont en Christ, pas des autres. Si vous voulez démontrer qu'il a fait aussi le pardon des autres, vous devez aller dans d'autres passages. Ici, Paul parle, vous et moi, vous, nous, vous aussi, donc il prend, c'est vous, c'est pas tout le monde. Et on a vu que par l'exécution de la rédemption, par l'exécution de cela, il a réuni le ciel et la terre. Dieu est réuni avec son peuple, avec ses élus, avec ses enfants pour l'éternité. Et ensuite, on a parlé de notre héritage. Aujourd'hui, je vais compléter parce qu'on va encore parler de l'héritage. Donc, je vais compléter aujourd'hui de ce que l'auteur est en train de parler quand on parle d'héritage. Aujourd'hui, nous allons voir et terminer ce paragraphe, si je peux le dire de même, du verset 13 et verset 14 que nous allons lire maintenant. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc, encore une fois, le « en lui », en Christ, vous aussi. Parce que s'il n'y avait pas eu le plan du « en lui » avant le commencement du monde, que Dieu avait décidé de bénir en Christ des personnes, il n'y aurait pas rien. Il n'y aurait pas de foi et de croix, de croire, je veux dire. Il n'y aurait pas eu ça. J'aurais pas cru si j'avais pas été élu, si j'avais été prédestiné, si Christ n'aurait pas racheté. J'aurais pas cru. Donc, en lui, vous aussi, comme nous, vous aussi, il va parler de cette union tout à l'heure, de toutes les nations du monde qui ont tous cru en lui, ou à cause de lui, ou par lui, ou dans lui. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, il faut qu'il entende. Donc, ça ne s'est pas fait à l'interne. Tout d'un coup, ils se sont réveillés un matin, puis ils étaient saints, irréprochables, pardonnés, sauvés. Non, ça pas. Ils ont entendu, hein, on avait vu qu'ils avaient répandu abondamment par toute sagesse et connaissance ou intelligence. Ils ont entendu, donc, l'apôtre Paul répète cela dans Romains, c'est en entendant qu'on parvient au salut. Donc, ils ont entendu, mais il faut faire attention, ils n'ont pas entendu n'importe quoi. Ils ont entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Je vous encourage, ceux qui étudient avec moi depuis des années, vous savez, je vous dis, puis je vous répète, puis je le répète encore ici, de toujours évaluer, réévaluer ce que vous avez entendu. Ne dites pas, j'ai entendu l'évangile il y a 40 ans, puis ce que j'ai entendu était parfait, il n'y a pas besoin de changer, j'ai pas besoin d'améliorer ça, j'ai pas besoin de définir ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans ma compréhension, j'ai compris l'évangile. Vous n'avez pas compris plus que ce que le gars vous a dit, ou la femme vous a dit, ou le pasteur, ou le prédicateur, ou le livre que vous avez lu. Donc il dit, vous avez entendu la parole de la vérité. De quelle parole parle-t-il? De ce que Paul a prêché quand il était à Éphèse. Si vous allez dans les Actes des Apôtres, vous regardez ce que Paul a prêché à Éphèse. Il a parlé de Jésus-Christ, il a annoncé Jésus-Christ, il a annoncé que Jésus-Christ était qui et qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Il a annoncé l'évangile pendant quasiment 3 ans, là. Un espace de temps dans la synagogue, puis 2 ans dans l'école de Tyrannus. Pendant 3 ans, il a enseigné, il a parlé du message de vérité ou de la parole de la vérité, de la bonne nouvelle de l'Évangile ou du salut. Vous l'avez entendu. Vérifiez, revérifiez constamment, continuellement pour voir. Est-ce que l'évangile que j'ai entendu était complète? Est-ce que l'évangile que j'ai cru était l'évangile proclamé par Jésus-Christ, par les apôtres, par l'apôtre Paul? Parce que vous savez comme moi, l'évangile change. À cause des hommes, pas elle-même. L'évangile ne change pas. Mais pour que les ceux planifiés, élus, pour les saints, pour qu'on soit des rachetés pour que s'exécute le plan de Dieu dans ma vie, il faut que j'entende la parole de vérité. Si j'entends pas la parole de vérité, ben, je peux pas y adhérer, je peux pas y croire. Je vais croire à n'importe quoi, mais je croirai pas à ça. Donc, il faut faire attention. Vraiment vérifier ce que vous avez entendu. L'évangile de votre salut. Le mot salut ici, faut pas rapetisser le salut à justification. Le salut, c'est plus grand que le pardon de mes péchés. Le salut, ça comprend tout ce que Dieu va accomplir dans la vie du croyant. De son élection jusqu'à sa résurrection et glorification dans les nouveaux cieux, c'est ce que ça comprend, le salut. C'est pour ça que des fois, la Bible parle du salut au passé, elle parle du salut au présent, des fois elle parle du salut au futur. Donc, il faut comprendre que le salut, il n'est pas complet tant que je ne suis pas rendu dans mon corps glorifié dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, dans la présence de Dieu. Même si je meurs aujourd'hui et que je m'en vais dans la présence de Dieu, mon salut n'est pas encore complet tant que mon esprit régénéré reviennent dans son corps glorifié et ressuscité et que je sois dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. C'est là que je vais pouvoir dire maintenant mon salut est complété. Il a dit qu'après vous avez entendu cela, en lui vous avez cru. Vous avez cru en l'évangile. Vous avez cru en celui qui vous avait été annoncé. Vous avez cru en cela. Donc, il y a une Dieu qui fait un plan, Dieu qui planifie, Dieu qui choisit, Dieu qui prédestine, mais il y a en même temps des hommes et des femmes qui décident volontairement, librement, ils décident de croire. Tous ceux qui ont été élus vont croire, et tous ceux qui croient sont des élus. Donc, mais il y a une action volitive de l'être humain, il prend la décision, vous avez cru. Vous avez fait une décision, un choix. Et quand vous avez cru au message de la parole de Dieu, au message de la vérité, au message de la bonne nouvelle de votre salut, quand vous avez cru, il dit, il s'est passé autre chose, une autre bénédiction, vous avez été scellé. Dieu vous a marqué d'un sceau. Et le sceau ici, c'est pas un morceau de plastique, c'est pas un morceau de métal, c'est une personne. Le sceau, c'est la personne du Saint-Esprit. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous, comme il avait été promis. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'il répandrait son esprit sur le nouveau peuple, dans la nouvelle alliance. Et si le Saint-Esprit vient habiter dans ceux qui ont été élus, prédestinés, rachetés et qui ont cru, le Saint-Esprit vient habiter dans la personne. Et cet esprit-là est présenté ici comme étant le gage ou un gage de notre héritage. Donc, le mot gage pourrait être certaines traductions ont traduit les arts de l'esprit, d'autres c'est la garantie, dépendamment de la Bible que vous utilisez. C'est un acompte, certains ont traduit. Donc, c'est un acompte de votre héritage ou de notre héritage. Donc, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, j'ai parlé de l'héritage des bénédictions qui nous ont été accordées, et il y a aussi un côté futur à l'héritage dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, c'est un gage de quelque chose à venir, que ce qui a été commencé, ça va se terminer. C'est ça le gage. Le gage, c'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, ce que Dieu a commencé en vous, je suis persuadé qu'il va le terminer, parce qu'il y a un gage. Il y a un gage que Dieu va terminer le plan, qu'il va terminer l'exécution. Parce que l'exécution ne sera pas terminée quand et si longtemps que son peuple ne sera pas totalement dans le nouveau ciel, nouvelle terre, dans leur corps glorifié. Donc, il n'y a pas personne qui reçoit le gage qui ne va pas terminer la course. Tous ceux qui ne terminent pas la course, parce qu'ils n'ont pas le gage. Et s'ils n'ont pas le gage, c'est parce qu'ils n'ont pas cru et qu'ils n'ont pas été scellés. Donc, je crois, je suis scellé, c'est un gage, du restant de l'héritage va venir. Et c'est pour ça qu'il dit, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa loi. Donc, la rédemption, là, c'est la continuité de cette rédemption commencée, parce qu'on a vu la rédemption par son sang. Donc, la rédemption, premier geste de la rédemption, premier résultat, je suis pardonné, mais le rachat m'a pas acquis seulement le pardon, mais m'a acquis aussi un nouveau corps. Dans le salut, il y a mon corps qui a été racheté. Il y a mon corps que Jésus a payé aussi pour que mon corps soit racheté. Donc, il dit, la rédemption va se compléter, va se terminer, va atteindre son ultimatum, sa finition, sa totalité, et quand ça va être fait, là, ça va être final. Il n'y aura plus rien d'autre après. Ça va être terminé. Le plan que Dieu avait fait pour moi, pour sa propre gloire, est terminé le jour de ma rédemption finale et complète. Et encore une fois, l'apôtre Paul termine en disant, pour la troisième fois, dans 14 versets, pour célébrer sa gloire. Sa gloire est célébrée dans les lieux célestes. Sa gloire est célébrée par les autorités dans les lieux célestes. Sa gloire va être célébrée par l'Église, évidemment. Et sa gloire va être célébrée aussi à la fin, quand je vais avoir eu mon héritage et que je vais avoir été transformé dans mon corps aussi, que je vais être dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et pour l'éternité, tout le ciel, tous ceux qui sont dans les cieux, qui sont des êtres angéliques saints, et l'Église, le peuple de Dieu de tous les temps, nous allons célébrer la gloire de Dieu pour l'éternité. J'espère que c'est clair que votre salut, ce n'était pas pour Dieu. Ah, j'aime tellement Joe Blow que je vais le sauver de l'enfer. Pauvre lui. Il n'est pas vraiment coupable. C'est à la faute de sa père, de son père, c'est à la faute de sa mère, c'est à la faute de la société. Non, non, non, non, non, non, non, non. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Nous sommes coupables. On va le voir dans chapitre 2. Nous sommes coupables. Nous avons rejeté Dieu. Nous avons péché contre Dieu en Adam. Nous avons, dans notre folie, nous avons cru le mensonge, lieu de croire la vérité. Et Dieu est intervenu après. Je ne crois pas qu'il a planifié ça après la chute, parce que la chute, quand il l'a planifiée, elle n'était pas faite encore. Donc Dieu a planifié tout ce plan-là avant la chute. La chute fait partie de ce plan-là, mais Paul n'en parle pas ici. Ce n'est pas de parler de la chute qui veut nous parler dans l'Éphésiens. C'est qu'est-ce que Dieu a fait pour tirer l'homme de sa chute pour être glorifié. Je l'ai dit, je le répète. Rappelons-nous bien cela. Ça va faire du sens à notre tête. Parce que des fois, dans les moments de notre vie chrétienne, où est-ce qu'il y a des choses qui arrivent, on a de la misère à comprendre qu'un Dieu qui nous aime peut faire ça, peut laisser faire ça, peut permettre ça, peu importe comment vous exprimez votre foi pour le moment. Dieu a décidé de se glorifier. Moi, je me dis, si pour être glorifié, Dieu décide que son Fils va s'incarner, que son Fils va venir sur la terre et qu'il va subir l'ignominie de la croix, qu'il va subir la colère des hommes, qu'il va subir la folie des hommes, qu'il va souffrir. Si Dieu, pour être glorifié, est capable de passer à travers ça, il ne faudrait pas penser que Dieu ne permettra pas qu'on souffre, ne permettra pas qu'on soit malade, ne permettra pas qu'on meure, martyr pour certains d'entre nous. Si Dieu, pour être glorifié, envoie son Fils sur la terre, mourir, verser son sang, ben ce serait pas surprenant qu'il veuille, qu'il désire, qu'il décide que certains de ses enfants aussi souffrent et meurent et versent leur sang afin que sa gloire éclate. Quelle bénédiction Dieu nous a donnée en lui. Béni soit Dieu. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux de terminer cette section qui nous dit que dans les lieux célestes, avant que tu crées le monde, tu nous as bénis en Jésus-Christ. Tu nous as bénis dans le Fils. Notre Seigneur Jésus le Messie. Ô Seigneur, nous sommes privilégiés, nous sommes reconnaissants que nous servons à ta gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.